En partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants, le CFMI d'Orsay, le Printemps des Arts de Monte-Carlo vous offre la musique expliquée aux aliens. Quand Diapente et Diatricerone retentissent ensemble, ils restituent avec harmonie la confiance du diapason. Intensément ou avec douceur, il faut chanter le monocorde en commençant du premier ton jusqu'au dernier. Le ton de la musique commence avec l'autante, protus, c'est-à-dire avec l'autorité de ce qui vient en tête. Tout d'abord, rechercher le royaume de Dieu. Benedicamus Domino Deo gratias. Ah, malheur, tu ne seras plus jamais ma fille. Ah, malheur, tu ne seras plus jamais ma fille. Chaste déesse. Mmh. Chaste déesse qui argente. Ces antiques feuillages sacrés. Tourne vers nous ton beau visage, son nuage et son voile. Monsieur le marquis, un homme comme vous, devrait mieux comprendre par qui ce tour. Je vous conseille de façon plus précise les gens regardés. La main est certainement beaucoup trop fine. Les langues que je dirige. L'agitation, comme voir. Aoyoi. C'était la musique expliquée aux aliens. Une série conçue et réalisée par les étudiants du CFMI d'Orsay en exclusivité pour la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo.